Salam alaikum aux musulmans et salut aux autres, hein, pour pas changer. Le sujet va s'intituler et va se focaliser aussi sur le fait de se moquer d'Allah, ses versets, de ses messagers et d'une chose qui a un lien direct ou indirect avec l'islam, ce qui touche à l'essence même de l'islam. Ah ouais, en préambule, je voulais préciser une chose. Mes audios là, qui s'intitule, enfin qui s'appelle Démocratie en 21 points. La vérité sur les talibans et l'orchestration médiatique, la médiatisation des faux prédicateurs, le sentimentalisme ne doit pas primer sur l'argumentaire, réponse aux prétendus salafis, réponse au fameux t'as pas le droit de juger, bref, c'est des audios qui sont un peu, enfin, qui sont dans divers comptes à gauche à droite, chez des frères. C'est des audios que j'ai fait il y a 3 ans environ, il y a 2 3 ans, et comme on va dire que Dailymotion et YouTube ne m'aiment pas trop, hein. Ben voilà, ils m'ont censuré à plusieurs reprises, et donc certains frères ont repris. Donc voilà quoi, c'est juste pour préciser, si quelqu'un dit ah cette voix je l'ai déjà entendue et tout, c'est dans voilà, c'est sûrement un des frères qui ont repris quelques-uns de mes audios par-ci par-là. Voilà quoi. Je sais qu'on s'en fiche, mais je tenais à le préciser quand même, on sait jamais, attends, excuse-moi, ouais, j'ai le droit quand même. Enfin bref, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Ben, pour la simple et bonne raison que depuis de nombreuses années, on va dire, il y a souvent des gens qui viennent et qui te lâchent des blagues en rapport avec l'islam. Donc des blagues où voilà, ouais l'imam, quand il a fait le tekbir, après, bref, il te lâche une chute. Enfin, soit, souvent, voilà, que ce soit chez les Khoroto, nous les Marocains, souvent, voilà, souvent des gens qui lâchent quelques blagues par rapport à l'islam, tout ce qui touche l'essence même de l'islam. Hein. Et malheureusement, c'est quelque chose de très très grave. Et donc moi, j'essaie de leur faire comprendre. Alhamdoulilah, il y en a qui acceptent, d'autres qui disent, mais c'est de l'humour, on rigole quoi, tu vois. Non, non, c'est pas de l'humour. Tu bon, rigoles de ce que tu veux, mais touche pas à l'islam. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi c'est très très grave. Et mais très grave, quand je dis très grave, vous allez comprendre où je vais en venir. Très grave. Hein? C'est du kofr. Ça te fait sortir de l'islam. Et là, vous allez comprendre où je vais en venir. Et aussi, voilà, donc ça fait un grand nombre d'années, mais surtout, on va dire l'élément qui a fait que... qui m'a boosté à faire cet audio, qui m'a réveillé, c'est sur Facebook. Il y a soi-disant un frère, entre guillemets, hein, un frère avec entre gros guillemets, tu vois les guillemets Tahdumbo l'éléphant, là, bien gros, bien imposant, là, entre guillemets, qui avait posté la vidéo d'un sketch de Jamel Lihoudouz, là, Lihoud, là, Jamel Adouallah, Jamel Debbouze, dans lequel il incarnait le prophète Moussa, Astaghfirullah, il parodiait le prophète Moussa, alayhi salam, le prophète Moïse, dans ce sketch, et Dieudonné, il incarnait Pharaon, enfin bref. Et c'est un audio. Ah ouais, au fait, je jure par Allah le Tout-Puissant, et qu'Allah me maudisse si je mens, amine, que je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé, parce que pour moi, je me suis auto-refusé de le regarder, de le visionner. Et j'ai demandé aux gens qui l'avaient vu, il y avait quoi là-dedans? Tout simplement, voilà. Jamel Lihoud qui est en train de se moquer du prophète Moussa. Allez, salam. De toute façon, faut pas s'appeler René Guénon pour comprendre que logiquement, si c'est un sketch et qu'il s'habille et il essaie d'incarner le prophète Moïse, Moussa, voilà, qu'il allait le parodier, quoi. Là, voilà, faut pas s'appeler René Guénon. Genre, c'est de l'humour, le type, il me dit. Faut pas déconner de l'humour. Enfin, bref. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai pas regardé le sketch pour la simple et bonne raison. Bref, je vais vous l'expliquer, mais ce qui s'est passé, ce frère, entre guillemets, il met cette vidéo-là, il écrit comme titre, LOL, tu vois les gros LOL, les Constantin là, XPDR, MDR, les LOL, ou je sais pas quoi là, bref, il écrit un LOL, donc, faut pas, je sais pas, mais faut pas s'appeler René Guénon pour comprendre que son LOL symbolisait le fait que ça l'a fait rire, voilà, cette vidéo l'a fait rire, donc il a rigolé à cela, non seulement il a rigolé à cela, il a publié, mais en plus, dans les commentaires, t'as Hijabiyet du 9-4 représente Yo-Yo qui écrit MDR, lol. T'as l'autre, Ahi ou frère, je sais pas quoi, musulman pro-Palestine, manifestation Yo-Yo-Yo qui écrit MDR. T'as, je sais pas quoi, Hijabiyet en skateboard qui écrit MDR aussi. On est où là? C'est quoi ce bordel, Hachek? Et soi-disant, le frère entre guillemets qui a mis ça sur Facebook, c'est soi-disant un type pro-Palestine, pro-manif. Tu vois le type qui fait des manifs et tout, ouais, venez pour la Palestine et tout. Ya, bourrico, avant de t'occuper de la Palestine, va, apprends ton tawhid. Le type, Le type, il te met un sketch dans lequel il se moque du prophète Moussa, alayhi salam, et ensuite il te dit Palestine, Palestine vaincra. Mais arrêtez, arrêtez. Pour vous, la Palestine, c'est devenu un fonds de commerce, on dirait. Enfin bref, apprenez votre tawhid. D'abord, regardez si vous êtes musulman avant de vous occuper de la Palestine. Enfin bref, le verset. Le verset se trouve dans Sourate At-Tawbah 65-66. Verset 65-66 dans Sourate At-Tawbah, le repentir. Il est dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Sourate At-Tawbah, verset 65-66. Le verset qui est, ne vous est-ce d'Allah, de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru, quand il est descendu. Quel est le tafsir, l'exégèse de ce verset, comme l'explique Ibn Kathir, ou bien Ibn Abbas, ou As-Sa'idi, ou bien Mohamed Amin al-Shamqiti, Al-Mujahid, et ainsi de suite, Al-Qurtubi, ils expliquent que ce verset est descendu à un moment où, dans l'armée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites. Le prophète savait qui était hypocrite, mais il s'auto-refusait de le dire par peur de créer une sorte de fitna, une sorte de zizanie, une sorte de chaos. Donc il savait qui était hypocrite. Et les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une expédition militaire, ils avaient coutume de voilà, poser leur tente, se reposer, ainsi de suite. À un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est un peu reculé, enfin il est parti. Et de là, il y a deux hypocrites, deux vrais hypocrites, Munafiqun, qui étaient dans l'armée du prophète. Ils l'ont regardé et ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués du prophète. En disant une chose du genre, c'est un Quraïchite, le Quraïchite sont réputés pour être fainéants. Et selon une autre variante, les Quraïchites sont gras. Bref, quelque chose de similaire à la fainéantise, au fait d'être passif, inactif, et ainsi de suite. Donc ce sont deux hypocrites, hein. Et il y a eu un petit groupe de compagnons, un petit groupe, pas tous, pas tous les sahabas, un petit groupe de compagnons qui étaient là, et qui ont ri à cette blague. Parce que pour eux, c'était rien de grave. Tu vois, ils ont seulement ri à cette blague, et eux, ils savaient pas que ces deux hommes-là étaient hypocrites. Ils le savaient pas. Ils pensaient que c'était des sahabas sincères comme eux. Donc ils ont seulement ri à cette blague. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu avec le visage attristé. Et donc, les compagnons ont vu que le prophète n'avait pas l'air dans son état normal. Ils sont venus le voir et l'ont dit, Ya Rasulallah, que se passe-t-il? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah m'a fait descendre ce verset. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. Est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Sourate At-Tawbah. Alors à ce moment-là, les compagnons, ils ont commencé à pleurer. En demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah de les pardonner, de les pardonner, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah a dit à la fin du verset, si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Des criminels dans le sens, quand on voit le tafsir de l'explication d'Ibn Taymiyyah, ou bien de Saïd, ou bien de Mohamed al-Shamqiti, dans le sens du grand degré, Akbar, donc qui fait sortir de l'islam. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ces compagnons-là, qui ont mangé aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu à ses côtés, qui ont prié à ses côtés, sont sortis de l'islam, sortis de la sphère islamique, qui ne sont plus considérés comme musulmans juste pour avoir ri à la blague de deux hypocrites qui ont traité le prophète de fainéant. Et on va pas se voiler la face, entre nous, de nos temps, dire à quelqu'un de fainéant, je vais dire, il y a plus hardcore que ça. Pourtant, juste pour cela, ils sont sortis de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait que répéter ces versets-là. À chaque fois qu'un des compagnons qui ont ri à cette blague et le regrettait, disait, Ya Rasulallah, pardonne-nous, demande à Allah de nous pardonner, il répétait ce verset-là. Est-ce d'Allah et de ces versets et de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Après, t'as certains, là, certains, entre guillemets, musulmans, modérés, bisounours, flashlight, là, qui vont te dire, non, mais Akhli, ce verset-là, il visait les hypocrites, il visait pas les compagnons. Premièrement, le tafsir, il est clair là-dedans, il est clair, Tous les mufassirines, tous les exégètes ont expliqué que c'était pas les hypocrites, mais la partie des compagnons qui, bien sûr, ont ri à cette blague-là. Et en plus, c'est quoi la fin? C'est ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Comment un hypocrite peut mécroire après avoir cru alors qu'il n'a jamais cru? Vu qu'à la base, un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'a jamais cru. Donc ce verset-là, il visait bien la partie des compagnons. Partie de ces compagnons-là. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que même la salat, le ramadan, le hajj, le zakat, tout ne sert plus à rien tant que la personne qui s'est moquée d'Allah ou de son messager ne s'est pas repentie. C'est ça qu'il faut comprendre. Al-Naqid al-Islam, ça fait partie des Nawaqid al-Islam, ça fait partie des annulations de l'Islam. Les gens croient qu'être musulman, c'est seulement voilà, dire la shahad, et puis après on fait ce qu'on veut, les actes, on s'en fout, on peut se moquer. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui font sortir de l'Islam aussi rapide qu'une flèche sort d'un arc. Il y a ce qu'on appelle les paroles de kofr, il y a ce qu'on appelle les actions de kofr. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est que maintenant, dites-vous bien, un groupe de compagnons qui ont combattu avec le prophète, qui ont prié avec lui, qui ont mangé à ses côtés, juste le fait d'avoir ri, ri, ri, ri, tu sais quoi rire? Un bête sourire par rapport à la blague. Et c'est même pas eux qui ont actionné cette blague. Ce sont les deux hypocrites. Eux, ils ont seulement été les rieurs. Ils ont seulement ri à cette blague. Ils sont sortis de l'islam. Alors que dire des gens de maintenant qui n'ont non seulement qui n'ont jamais mangé avec le prophète, qui n'ont jamais combattu à ses côtés, qui n'ont jamais prié à ses côtés, mais qu'en plus maintenant en 2011 ils sont tranquilles en train de te mettre des sketchs de Jamel Debbouze qui se moquent du prophète Moussa alayhi salam, parce que c'est bien dit dans le tafsir tout ce qui est en rapport avec l'islam. Tout ce qui est en rapport avec l'islam, tous ceux qui se moquent d'une chose qui est en rapport avec l'islam, que ce soit le hijab, comme celle qui disait hey, ninja, ninja, on dirait des ninjas, c'est qui met le hijab, par rapport à la barbe, tout ce qui est dans l'essence même de la barbe, parce qu'il y a une différence entre le barbu, le porteur de la barbe, et lui, c'est un individu à part, et lui, tu peux te moquer, ou si, enfin, si tu te moques de lui, c'est entre toi et lui, mais sa barbe, la barbe en elle-même, ce que représente la barbe, on n'a pas à se moquer, par exemple. La sunna en elle-même, on n'a pas à se moquer, la prière, on n'a pas à se moquer, le takbir, on n'a pas à se moquer, les du'a, on n'a pas à se moquer, les versets d'Allah, on n'a pas à se moquer, la science, islamique, on n'a pas à se moquer, le fer qu'on n'a pas à se moquer, tout ce qui est en rapport avec l'islam ne doit pas être moqué par les musulmans. Il ne doit pas avoir de ricanerie par rapport à cela, sinon la personne sort de l'islam. Donc comment on peut dire, comment on peut comparer nous, là en 2011, tranquille, à ces compagnons-là qui ont combattu avec le prophète, et qui eux-mêmes, eux sont sortis de l'islam pour avoir fait cela. Ensuite, bien sûr, ils ont demandé pardon, ils ont demandé pardon, ils ont regretté, ils ne savaient pas, ils ont regretté, ils ne savaient pas. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah dit, si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Donc, les gens doivent se mettre bien en tête que se moquer de l'islam te fait sortir de l'islam. C'est clair et net. C'est clair. Comme l'explique Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans As-Salim al-Masrur, page 513, il le dit clairement pour répondre à ceux qui disent, ouais, mais mon frère, y en a, ils savent pas, c'est par ignorance. Qu'est-ce qu'il explique Ibn Taymiyyah par rapport à ça? Page 513, As-Salim al-Maslul. Il dit clairement que quelqu'un, par exemple, qui va se moquer d'Allah, de son messager, d'une chose qui est en rapport avec l'islam, même s'il est, il était ignorant du fait que ça faisait sortir d'islam, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance pour ce cas-là. Pourquoi? Parce que dans toutes les civilisations, dans toutes les nations, dans toutes les éducations, jadis, contemporaines, il y a des siècles, maintenant, dans toutes les civilisations, dans toutes les terres, dans toutes les nations, dans toutes les populaces, dans tous les peuples, la notion de la moquerie, le fait de se moquer de quelqu'un, ricaner, est quelque chose de péjoratif. Que ce soit chez les témoins de Jéhovah, chez les mormons, chez les athées, chez le fan club de Patrick Sébastien, chez ce que tu veux, tout le monde le sait. C'est dans la fitra, c'est dans la saine nature, on le sait que c'est mal, le fait de se moquer. Donc, Ibn Taymiyyah, il a dit, alors que si toutes les civilisations savent que le fait de se moquer dans tous les peuples est quelque chose de péjoratif, quand tu mets ça en symbiose avec l'islam, automatiquement, t'as plus d'excuses de l'ignorance. Et les compagnons eux-mêmes ne le savaient pas. Donc, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance, et nous, c'est encore pire, parce que les compagnons le disaient avant qu'on connaître ce verset. Donc, même s'ils étaient ignorants de cela, Allah a été clair avec eux. Donc, que dire de nous, en sachant qu'on a tout à notre disposition, le Coran, tafsir, shorouh, tous les kutub qu'il faut. On n'a pas d'excuses, encore moins que les sahaba. Moins que les sahaba, on a moins d'excuses qu'eux. Ça, c'est clair et net. Et comme explique aussi l'imam Ibn Hazm dans Kitab al-Mahara, le tome 11, page 207, similaire à la parole de Ibn Taymiyyah. Et donc, pour répondre aux gens qui vont te dire, oui, mais il n'y avait pas, il y a certains, entre guillemets, pseudo-salafis là, hein, ceux qui appliquent Tekfir sur les gens précis, et par rapport au gouverneur et ainsi de suite, ils sont un peu plus réticents. Ils vont te dire, ouais, mais il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'i'tiqad, ce qu'on appelle la conviction du cœur. Ça veut dire que si la personne a fait ça, mais il n'était pas convaincu du cœur, voilà, quoi, ça le fait pas sortir d'islam, c'est faux, c'est du kufr amari. Comme il explique Ibn Taymiyyah dans As-Salem al-Masrur, page 500, toujours page 513, il dit quoi par rapport pour répondre à cela? Il dit, ils se sont retranchés derrière le repentir, comme c'est notifié dans les causes de la révélation. Et cela est apparent dans sa parole. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Donc celui qui s'est repenti d'un repentir sincère, Allah lui a pardonné. Et celui qui s'est repenti hypocritement et par crainte du véritable commandement a été protégé par cela dans l'ici-bas et dans l'ici-bas uniquement. Quant au jour du jugement dernier, le jour de Yom Al-Qiyamah, sa destinée sera la destinée des hypocrites. Et ceci est la raison pour laquelle le prophète les a laissés et ne les a pas tous exécutés. Même Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm partage cet avis. Donc, t'en as qui vont dire, oui, mais dans ce cas-là, si ça faisait sortir de l'islam, clairement le fait de se moquer d'Allah, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas exécutés? Vu que ce sont devenus des. Ils ont fait. Voilà, murtad. Voilà, c'est devenu des apostats. Eh ben non. Pour la simple bonne raison que. Ce verset est dans un cas précis, parce qu'il est dit, si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Allah, il prévient, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement obéi à Allah en ne l'appliquant pas, et en tout simplement laissant le libre choix à Allah de pardonner celui qui s'est pardonné sincèrement, en sachant qu'il est sorti de l'islam par rapport à cela, et celui qui s'est repenti de façon hypocrite. Voilà. Et comme l'expliquent beaucoup de savants aussi, que ce soit Al-Maj dans Sheikh Salih Ibn Uthaymin, dans Al-Majmu'a, dans son recueil de fatwa, le tome 1, page 72 et 73, que ce soit la fatwa numéro 7549 du comité de fatwa de Sheikh Abdullah Ibn Khudayen, que ce soit dans le livre La foi correcte et ce qu'il oppose de Sheikh Ben Baz, à partir de la page, si je me rappelle bien, page 42, dans lequel il stipule les 10 annulations de l'islam, Ibn Qayyim pareil, ainsi de suite. Enfin bref. Moi, en général, dans mes audios, je donne des références à la vide. Pourquoi comme ça les gens de eux-mêmes ils cherchent? Moi, j'aime bien cela. J'aime bien donner, on va dire, quelques outils pour que les gens cherchent d'eux-mêmes. Voilà, faites vos recherches par rapport à cela. Celui qui se moque d'Allah, son messager, d'une chose qui est en rapport avec l'islam. Donc, il faut comprendre, la personne qui fait ça sort de l'islam. Qu'elle refasse sa shahada, elle est sortie de l'islam. Même si c'est pas toi qui as actionné la blague, même si c'est pas toi qui as actionné la blague, juste le fait de voir. Je jure par Allah, le Tout-Puissant, le sketch là de Debbouze, là, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Parce que même juste le fait de voir, tu le regardes, tu t'as pas regardé cela. Tu sais qu'il se moque d'un prophète, ne regarde pas. Tous ceux qui lâchent des blagues sur le takbir. Ouais, un imam, il a dit Allahu Akbar, et puis Allah, et puis il est tombé. Ah, des trucs de hamar. Même se moquer d'une chose qui a un rapport avec l'islam, ça te fait sortir. Et celui qui doute de la mécréance de la personne qui a fait ce genre de choses doutera indirectement alors d'Allah Azawajal, de sa parole. Parce qu'Allah le dit clairement. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Que ça soit Al-Mu'ayyan de façon générale, contextuelle de façon générale, ce verset-là, il est clair. Les Mufassirin, ils l'ont bien décortiqué, ils l'ont bien expliqué. Et voilà quoi. Donc, juste pour dire, avant de dire Palestine, Palestine, hein, Palestine, hein, apprenez le Tawhid. T'as même des sahab hijab yet là, 2011, tu vois, jean serré, le petit hijab rose bonbon là, qui te disent Palestine! Regarde d'abord si t'es musulmane, regarde d'abord si ton hijab sert quelque chose. Les gens ils croient que voilà l'islam c'est tu dis une phrase magique à la Harry Potter. Voilà, on dit une phrase, voilà, genre je dis une phrase ouais je suis musulman, ouais voilà, hop, tu rentres, une carte de membre. Non. Shahada, elle implique conviction, parole et acte. Et évite ce qui te fait sortir de l'islam. Une parole peut te faire sortir de l'islam. Un acte peut te faire sortir de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Ceux qui rentreront au paradis seront minimes. Très minimes. Hein? Le taux de gens qui rentreront au paradis sera très minime. Donc, faut se mettre à l'idée que c'est pas. Voilà. Faut comprendre, quoi. Faut se dire, il y a quelque chose qui cloche. Dans le sens où on est quand même 1 milliard, entre guillemets. Pas tout seul au paradis, quoi. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des choses à éviter. Et les choses à éviter, c'est comment? C'est avec la lecture du Coran, du tafsir, des kutub, de fiqh, de dogme, de aqidah, de sharia, de da'wah. Comprendre tout ça, les règles de fiqh, usul. Qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam? Qu'est-ce qui te garantit le fait que tu es dans le tawhid? Tu vois? Faut faire attention. Il y a des annulations de l'islam, il y a des choses qui te font sortir de l'islam. Faut arrêter de se voiler la face. Donc, tous ceux qui se moquent d'une chose qui a rapport à l'islam, refais la shahada. Refais la shahada. Même si tu t'es moqué par exemple il y a 2-3 mois, mais tu t'es toujours pas repenti, refais la shahada, t'es plus musulman. Tu n'es plus musulman. Parce que moi, si maintenant je douterais de ta mécréance, eh ben je doute alors de la parole d'Allah. Moi, je vais douter de la parole d'Allah, Azawajal. Moi, pour moi, c'est la constitution, c'est la plus élevée des lois. La loi divine, la législation divine. Et pour ta gueule, je vais douter de la parole d'Allah, Azawajal. Tu t'es moqué d'Allah, du prophète, d'un des prophètes, d'une chose qui a rapport avec l'islam, tu es sorti d'islam. Reprends-toi. Comme l'explique bien Ibn Taymiyyah dans As-Salim al-Masloul, page 513, il décortique cela de la page 513 à la page 515. Ibn Hazm dans Al-Mahara, tome 11, page 207, ils expliquent tout cela. Ibn Al-Qayyim dans Al-Nawaqid al-Islam, et ainsi de suite. Donc voilà. Les gens maintenant qui ont écouté cet audio et qui se disent, ah purée, c'est vrai, je me suis moqué une fois de ça, de ci, de ça, d'une chose qui a rapport avec l'islam, d'une sunna, purée et tout. Reportez-vous, faites la shahada, re-rentrez dans l'islam, c'est tout. Point barre. Et attention à une différence entre celui qui se moque de l'interprétation de certains débiles et de l'essence même de l'islam. Par exemple, moi, quand je me fous un peu de la gueule des pseudo-salafis ou des rawafids ou des soufis naqshbandi qui tournent autour des tombes et compagnie, là, tu peux. Hagarer un peu si tu veux, fais-toi plaisir. C'est parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Les pseudo-salafis qui te défendent le tarot à longueur de journée. Oh, le grand Bouteflika. Oh, le grand, je sais pas quoi, le roi Abdallah d'Arabie. Nous prosternons devant toi. Vive Obama. Vive l'alliance pétrodollar. Ceux-là, ils ont une mauvaise interprétation. Rawafid, là, pareil. Naqshbandiya, Hamadiya, et ainsi de suite. Bref, les groupes hérétiques, eux, tu te moques de l'interprétation, c'est différent. L'essence même de l'islam, t'as pas à te moquer. L'essence même. Coran, wa sunna, et tout ce qui est en rapport avec l'islam, les choses claires, t'as pas à te moquer. On n'a pas à se moquer. Point barre. Et c'est ça qui me tue. Souvent, les gens, ils sont là, ils veulent sauver la planète, là. Palestine. Ah. Mon frère et ma soeur, entre guillemets, un gros guillemets, là. Apprends, apprends, comprends que tu te moques, tu te moques, tu te moques. Ce Ado Allah, ce Jamel Debbouze de Khra, ce truc-là, ce nain de jardin, ce Hachoum de rebeu là, c'est pas cette chose insignifiante, cette Khra humaine, hein, ce truc-là, au QI évangélisé, là, cette substance à deux pattes, s'est moqué plusieurs reprises d'Allah Azawajel, à plusieurs reprises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Jamel Debbouze c'est un traître, parce qu'il a trahi Dieu donné. Donc à partir de là, il y a eu la rupture, on va dire. Hein, ouais, il a trahi Dieu donné. Mais c'est pas pour ça que moi, depuis X années, Jamel Debbouze, je le considère même plus comme musulman. C'est pas par rapport à ça, je m'en fous, moi, à la limite qu'il a trahi Dieu donné. Mon Arwara Warbara, mon alliance et mon désaveu, se base pas par rapport à Dieu donné, je m'en fous de ça. C'est pour plusieurs raisons. Plusieurs fois, il s'est moqué de l'islam en la désignant comme étant une secte. Une fois. Il s'était moqué en regardant le ciel et en disant, hé hey Allah, hé hey Dieu, il y a moins que tu m'aides, je sais pas quoi, genre il parle à Allah comme si c'était, tu vois, et il s'est prosterné, il a fait la sèche dans la prosternation devant Guy Bedos, et bien sûr, vraiment la rupture, c'est bien sûr, c'est ce sketch-là, dont je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais regardé, Allah il est témoin que je n'ai jamais regardé, et vous n'avez pas regardé, donc tous ceux maintenant, ceux qui sont sur Facebook ou à gauche, à droite, ou qui connaissent des gens qui, par exemple, ont mis ce sketch et qui rigolent, expliquez-leur. Refais ta shahada. Parce que t'es plus musulman. Si tu as fait cet acte-là, tu n'es plus musulman, repens-toi, reviens à l'islam. Et moi, je dis ça pour votre bien. Parce que ceux maintenant qui vont jouer les hypocrites avec vous, oh mon frère, non, moi je suis personne pour dire que t'es pas musulman, mais fais attention. Ah ben celui-là, il veut pas ton bien. Parce que quelqu'un qui va vouloir ton bien, il va t'expliquer les choses telles qu'elles sont. Il va te ramener les paroles des savants, des salafs, des sahaba, des tabi'in, des tabi'in, des savants anciens comme contemporains, ceux qui ont compris, qui ont décortiqué ce verset, qui te ramènent toute la graduation généalogique, le sened par rapport à cela. Et tu dis clairement que si tu te moques d'une chose qui a un rapport avec l'islam, surtout d'Allah, de ses versets et de ses messagers, de son messager, tu sors de l'islam. Même pas, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance, comme l'explique Ibn Taymiyyah. Il n'y a pas l'excuse de l'ignorance dans ce cas-là. Il n'y a pas l'excuse de l'ignorance. Donc, quelqu'un qui va vouloir ton bien, il va te le dire clairement, il va te dire, voilà, refais la shahada, demande à Allah de rentrer dans l'islam. Ta salat, elle sert plus à rien. Parce que celui qui va douter de ça, doute indirectement de la parole d'Allah. Tu vas douter d'Allah? Tu vas douter de sa parole? Donc voilà. ceux qui voilà, qui ont un minimum de raison, les gens là à gauche, à droite, qui se moquent d'Allah, de son prophète, etc., faites-leur comprendre. Tout simplement. Bref, ça m'arrive.